Maintenant, le temps de parler de la chronique du Marcos Pop de Saint-Félicien avec le coach David Boudreau. Salut David! Salut Daniel. Oui, ça va bien, ça va bien David. Deux matchs en fin de semaine et ça a été deux victoires contre les Aiglons d'Allemagne. Oui, bien, c'est encore des parties hors concours. Fait qu'évidemment, on fait beaucoup d'essais. On a beaucoup de joueurs qui sont des recrues, qu'on leur donne des temps de glace, on leur donne beaucoup de challenges, un peu de défis en temps numérique, en piqué également. Puis on a eu deux belles victoires. Vendredi, 4-1, serré, un match contre les Aiglons. Toujours un match extrêmement serré. Il y avait de la vitesse beaucoup. Évidemment, beaucoup de pénalités encore. Je crois que les arbitres, là, c'est plus dur pour eux de s'ajuster au nouveau règlement que nous versus les contacts physiques. On a eu comme deux arbitres, Saint-Félicien et Alma, puis les deux, c'était vraiment arbitré différemment. C'est toujours du jugement derrière, ouais. On sait, hein, les officiels, hein, c'est pas évident de faire ce qu'ils font. C'est dur. C'est, honnêtement, le début, là, moi, tout ça dur, c'est pas le fait du camp d'entraînement qui trouve dur avec les jeunes. Les jeunes ont le sourire aux lèvres, sont motivés, ils travaillent extrêmement fort. Puis je pense que Dolbeau, est pareil aussi, puis que je pense que Alma, c'est pareil aussi. Mais ce que j'ai vu à date dans mes quatre matchs pré-saison, c'est vraiment au point de vue de l'arbitrage. Puis c'est pas qu'ils sont mauvais, là, ils sont vraiment super bons. Mais l'application est tellement différente d'un bord puis de l'autre. C'est clair. Donc, et ça, j'imagine qu'il faut donner du temps pour tout le monde aussi pour bien s'adapter, là. Alors, on n'a pas le choix, mais c'est, comme je vous dis, c'est un peu de frustration, c'est les flous. Déjà, on les enlève dans les échecs, c'est correct, non? C'est dangereux, puis on les enlève, puis pas de problème, on fait avec. Mais le contact physique, il est permis. Je veux dire, en sens, quelqu'un qui font le hockey à terre, palette à palette, vis-à-vis de la rondelle, puis qui plaque un joueur, mais sans le poussant, sans pousser, je veux dire, c'est correct. Puis, tu as Alma, c'est arbitré différemment. Il avait l'air à pas vouloir de contact du tout. Ici, à Saint-Félicien, plus un peu, je veux dire, c'est toujours un peu une zone de un peu disons qui est un peu entre les deux pour tout le monde, qui est un peu mêlante. Là, c'est Et dans le deuxième match, parle-moi du deuxième match maintenant. Ben, le deuxième match, c'est sûr qu'avec les punitions qu'Allemont a pognées, on a fait des buts en temps numérique, 2-3 buts en partant. Fait qu'on met 4-0 à peu près en environ 10 minutes de jeu. Fait que c'est sûr que l'intensité à 4-0 d'un match hors concours avant le début de la saison, je pourrais dire qu'Allemont a lâché, mais moi je vais dire à la place que mes joueurs ont travaillé extrêmement fort, ils n'ont pas lâché. Puis on a gagné 10-3. Ça fait un match vraiment à la tension. OK. Donc, là, j'imagine que là, l'équipe est fin prête, là, de ce que tu as vu du camp d'entraînement. Tu es content, puis tu as hâte au début de la saison? Ah oui, j'ai vraiment hâte. OK. Sais-tu contre qui tu vas jouer maintenant? Parce que je sais que je parlais avec Daniel Tremblay jeudi passé dans le cadre de la chronique des Castors de Dolbeau. Il ne savait même pas contre quelle équipe qu'il allait jouer. Est-ce que vous avez déjà, depuis la fin de semaine, vous savez au moins contre qui vous jouez? Ben, la Ligue nous a averti que le calendrier sortirait probablement la fin de semaine, quand la saison débute. Donc, c'est normal que Daniel, j'ai dit, ça va être pas parce que le calendrier, il avait dit la Ligue que c'était environ, là, peut-être dans les fins de semaine ou la fin de semaine. Comme de fait, on a eu une portion de calendrier jusqu'au 11 octobre dans le budget de 2. Okay. On commence vendredi. J'imagine à Saint-Félicien. On commence vendredi chez nous quand c'est technique chez nous. Okay. Puis après ça, on va jouer les dimanches. On va retourner jouer contre les Aiglons d'Allemagne dimanche soir. OK. De ce que tu as vu, c'est un bon mélange de jeunes et de recrues, quoi, et de vétérans chez les Marcos Pop cette année? Oui, c'est un mélange de tout un peu, là, les 15 ans, des 16 ans, puis des 17 ans, pas mal égal. Là, on a des patineurs extrêmement rapides, des patineurs qui ont des bonnes mains, des joueurs qui sont vraiment intenses, ont des belles attitudes, puis... On devrait avoir un bon jeu. OK. C'est sûr qu'avec les Hurricanes, tu hérites un peu des Hurricanes de Mastouillage. Puis Mastouillage, tu as quand même eu une bonne équipe au cours des dernières années. Fait que c'est sûr que, à quelque part, c'est sûr que ça devrait pas être mauvais. Question de David, question que je me pose. Puis j'ai dit au président du hockey mineur de Dolbeau que je ferai un petit sondage dans mes entraîneurs. Parce qu'on sait que le tournoi du centre de formation professionnelle de Dolbeau, on sait pas si on va changer de date pour les prochaines années. Un tournoi début d'octobre comme ça, là, en tout début de saison, fin septembre, début octobre, est-ce que ça arrête d'allure pour toi? Ben, je sais pas. Moi, je sais que pour le timing, la coordination, les joueurs sont pas prêts encore de faire, tu sais, au début de saison, c'est toujours un peu chaotique. C'est pas toujours des beaux jeux, là, de beaux transitions, c'est pas toujours beau dans les trois zones. Moi, premièrement, le but de Dolbeau, la date de Dolbeau fin février est pas d'adon pour une raison, parce que c'est tout à pareil. On commence nos séries la semaine d'après. On a un gros tournoi intense, on affronte des équipes, oh, puis il peut y avoir des blessures parce que des fois des équipes sont éliminées, puis nous non. Fait qu'on affronte des équipes que même s'ils jouent ces games-là, ils sont perdus pareil, fait qu'ils peuvent brasser. Des fois, il arrive de l'extérieur, c'est du monde de Québec, peut nous brasser, puis là, hop, on commence nos playoffs après. Le, pour moi, dans lequel, là, il est dans une date un peu le talent pour ça. C'est toujours la fin de la saison. On a fait deux tournois extérieurs, lui d'Alma puis l'autre à l'extérieur. On arrive à la fin de l'année, puis là, nos séries commencent, puis hop, on est tournoi de Adelbeau. Fait. Au pire, on n'est pas loin, je veux dire, c'est pas qu'on est loin, on a une demi-heure de route, c'est pas ça le tracas. Mais c'est certain que si Delbeau, le tournoi, il changeait pour avant les fêtes, peut-être au mois de novembre, début décembre, ce serait vraiment l'idéal, on aimerait vraiment ça. Non, c'est parce qu'à quelque part, je comprends, il n'y a plus d'équipe vraiment à Saint-Félicien. Il n'y a plus d'équipe beaucoup. Ils ont de la misère à trouver des équipes. C'est en même temps que Saguenay, puis pour les raisons que tu viens d'invoquer. Et moi, j'ai expliqué, j'ai lancé l'idée à Denis Lavoie, président du hockey mineur. Pourquoi pas faire ça en début septembre, octobre? Il n'y en a pas de tournoi. Il me semble que ça aurait de l'allure. Puis Daniel Tremblay n'avait pas l'air à détester l'idée. Et ça nous donnerait ça nous donnerait la chance de voir vraiment notre vraie équipe. Ça pourrait même servir de tournoi préparatoire pour la saison. Pas mauvais? Ben, moi, je veux dire, peut-être pour nous, c'est correct parce qu'on n'est pas loin de Delbeau, mais je veux dire, moi, je pense à stipulatrice du monde de l'extérieur, Dany, c'est important que les équipes qui viennent dans un tournoi, au prix que ça coûte maintenant, ouais. Les transports, les fins de semaine, puis les motels, mettons que ça coûte 6 000 $, il n'y aura pas un club de Québec qui va décider, en début de saison, quand l'équipe n'est même pas prête encore, fait pas A1 selon le système de jeu, ça va prendre encore à toutes les aventurités de venir dans un tournoi extérieur. Moi, je pense pas. Moi, je paierais pas, en ce cas, Marco Sur, c'est Lucien. Début octobre, aller faire un tournoi, mettons, à Trois-Rivières ou à Montréal. Non, mais. Je pose la question, je cherche des solutions, puis je réfléchis tout haut, puis je trouvais l'idée pas bête. En tout cas, Daniel, elle avait pas l'air de trouver ça bête non plus. Mais ça, c'est un autre point de vue que tu m'amènes. David, on se parle lundi prochain ou mardi? Ou mardi prochain. Ouais, donc, voilà, c'est la chronique du Marcos Pop de Saint-Félicien avec l'instructeur chef, David Boudreau. Salut, Daniel.